the same. Ok, je repars à zéro. Donc là, je vais enchaîner le couplet refrain, d'accord ? J'enchaîne couplet refrain, ok ? J'enchaîne couplet refrain, je sais pas si... Attends, merde, excuse-moi. J'ai perdu. Voilà. Prochain coup, je pars. About you, boy, that you see the same.